De retour à Futur Simple au CKRL 89.1, Samuel Lozon au microphone. Pour cette deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser à la perception des changements climatiques à travers le monde et au Canada. Est-ce que cela nous préoccupe vraiment? Sommes-nous prêts à changer nos habitudes? Ipsos a fait un sondage sur ces questions et Valérie a épluché ce sondage pour nous. Tout d'abord, Valérie, je te poserai une question toute simple. Est-ce que les résultats du sondage t'ont surpris? Je dirais oui et non. Non parce qu'on s'attend à ce que les changements climatiques soient préoccupants, mais oui parce qu'il y a vraiment des réponses curieuses et d'autres pas toujours cohérentes. Alors peut-être qu'on peut commencer par le début, en fait, sur l'histoire de ce sondage. Depuis quelques années, EDF, c'est-à-dire Électricité de France, commande un sondage Ipsos, qui est une firme de sondage, sur la perception des changements climatiques dans le monde. Donc Ipsos a sondé 24 000 personnes dans 30 pays en septembre dernier en tentant d'avoir des échantillons représentatifs, donc en termes d'âge, de sexe, de région, de profession, etc. Parmi les pays sondés, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a 30, mais pour donner quand même une idée de la diversité, là, on n'a pas juste pris des pays occidentaux, on a pris, d'abord on en a pris sur 5 continents, donc par exemple l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Espagne, la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Nigeria, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Australie, le Brésil, le Chili, les États-Unis, le Canada. Une belle variété. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, je ne les citerai pas tous. C'est un sondage assez long. Le rapport fait une centaine de pages avec une question par page. Alors, il y a des questions d'ordre général et d'autres qui entrent plus dans le détail. Donc, évidemment, je ne donnerai pas le résultat de tout le sondage. Bon, d'accord. Commençons donc par les questions générales. Oui, la première question générale qui est posée en fait dans le sondage, c'est elle vise à situer à quel point les questions environnementales sont préoccupantes par rapport à d'autres sujets comme le coût de la vie, le système de santé, la corruption, les guerres, la COVID, les taxes, le terrorisme. Alors, en moyenne, tout pays confondu, c'est le coût de la vie qui préoccupe le plus les personnes sondées. Bon, ça s'est passé en septembre, l'inflation, donc on comprend que c'est une forte préoccupation universelle. Dans tous ces sujets-là, l'environnement est en quatrième position, après la pauvreté et les inégalités et le système de santé. Après, quand on regarde pays par pays, il y a des différences. En Chine, c'est la COVID qui préoccupe le plus le Chinois. On sait qu'ils étaient sérieusement pris, puis ils devaient en avoir marre d'être confinés, puis maintenant ils doivent en avoir marre d'être malades. Au Chili, Colombie, Mexique, mais aussi en Suède, c'est la criminalité qui préoccupe les gens. C'est comme surprenant. Ouais, c'est ça, il y a des choses surprenantes. Au Nigeria, c'est le terrorisme. En Inde, c'est la corruption. Donc il y a des pays où la corruption, c'est préoccupant plus que d'autres. Au Japon, c'est le coût de la vie. Mais les retraites arrivent en troisième position, et c'est le seul pays d'ailleurs où les retraites est quelque chose de préoccupant. Donc là aussi, je ne sais pas ce qu'ils ont comme système de retraite au Japon, mais ça doit être assez compliqué. Et au Canada, on a le coût de la vie en première position, le système de santé en deuxième, et en troisième position, on a les taxes et les impôts avant l'environnement qui arrive quatrième. J'ai trouvé ça assez significatif. Donc, et en fait, c'est au Canada, en Belgique et au Japon que les taxes et les impôts préoccupent le plus les gens. Donc, c'est une particularité du Canada. Puis, il faut se souvenir de cette préoccupation des Canadiens pour les impôts et les taxes parce que, comme on le verra plus loin, c'est contradictoire avec certaines de leurs réponses. OK, d'accord. Bon, donc, si je comprends bien, en moyenne, l'environnement arrive en quatrième position des préoccupations. Mais... Est-ce qu'il y a des pays où la population est plus préoccupée par l'environnement que d'autres? Ouais, en moyenne, il y a 41% des personnes sondées qui estiment que la situation environnementale dans leur pays est bonne. Mais ça, c'est encore une fois, c'est variable d'un pays à l'autre. Alors, en Chine et en Arabie, il y a plus de 80% des gens qui trouvent que l'environnement se porte bien dans leur pays. Non. Ouais, 80% des gens quand même. Non, ça va, il n'y a pas de problème avec l'environnement. En Indonésie, en Norvège, Suède, Inde, Égypte, ils sont à 50%. Le Canada est à 47%. Puis dans les pays d'Europe de l'Ouest, bah là, on descend autour de 30%. Et en Chili, en Espagne, Corée du Sud, on est à 19%. Donc là, on est complètement la situation opposée de l'Arabie Saoudite et de la Chine, parce que s'il y a 19% qui estiment que l'environnement va pas bien, que l'environnement va bien, ça veut dire qu'il y en a 81% qui trouvent que l'environnement va mal. Donc complètement l'opposé de la Chine et de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment très intéressant, mais l'environnement, c'est un sujet assez large. Mm. Puis, est-ce que le sondage, il y a des questions pour distinguer ce qui préoccupe précisément les gens au sujet de l'environnement? Oui, tu as raison, Samuel. L'environnement, c'est quand même assez large. Donc, il y a effectivement, il n'y a pas que les changements climatiques dans l'environnement. Donc, effectivement, il y a une question pour demander quel problème environnemental préoccupe les gens. Donc, par exemple, bon, est-ce que c'est les changements climatiques, mais ça peut être la sécheresse, la biodiversité, etc. Donc, tout pays confondu, ce qui préoccupe les gens en matière d'environnement, ce sont quand même les changements climatiques. Ensuite, dans l'ordre, on a les événements météo extrêmes, l'accumulation des déchets, qui est aussi un problème d'environnement un peu indépendant des changements climatiques, pollution de l'air, pollution de l'eau, épuisement des ressources, recul de la biodiversité, la déforestation, la pollution des sols et en dernier, la désertification. Bon, là encore, c'est variable d'un pays à l'autre. Donc en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, c'est les changements climatiques qui ressortent en tête. En Russie, c'est la pollution de l'air, de l'eau et l'accumulation des déchets et aussi la déforestation. Puis ça, c'est intéressant parce que la Russie et le Brésil, c'est les deux seuls pays à se préoccuper de la déforestation. Mm-hmm. Et ça ne semble pas être une préoccupation canadienne, qui est un pays forestier. Mm-hmm. Mais il faut croire qu'on considère qu'on a des bonnes pratiques, et peut-être que c'est vrai. En Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, Égypte, Émirats Arabes Unis, donc là, on comprend qu'on est dans des régions assez chaudes, c'est la pollution de l'eau qui devient préoccupante. Peut-être que l'eau est une denrée plus rare et que la pollution de l'eau, c'est plus embêtant. En Chine, en Inde, Corée du Sud, Pologne, c'est la pollution de l'air. En Turquie, c'était l'épuisement des ressources. Donc, je ne sais pas si c'est un pays minier, si c'est un pays qui exploite les ressources, les forêts ou je ne sais quoi. Ouais, mais ils ont une préoccupation sur les pays miniers et ça ressortait vraiment différemment des autres. Ça ne semble pas être une préoccupation ici. Alors qu'on exploite quand même pas mal de ressources naturelles. Ça ne semble pas être une préoccupation en Chine non plus d'ailleurs. En Espagne, c'est la désertification. Puis là, effectivement, c'est assez marqué. La désertification en Espagne, ils sont en train de se désertifier. Pollution des sols, ça n'a pas l'air de préoccuper grand monde. Et alors, au Canada, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est les changements climatiques, l'accumulation des déchets et les événements météo extrêmes. Oui, un peu comme cet hiver, en tout cas, c'est très absence, doux, là, cette absence d'extrême. Ouais. En t'écoutant, Valérie, je notais une grande diversité là, des pays sondés. Là, au tout début, tu en parlais. Je me demandais, est-ce que tu crois que le niveau de préoccupation pour un pays donné peut avoir un lien avec ce que les gens vivent réellement comme conséquence des changements climatiques? Oui, effectivement. Hein, si on les vit, on va être plus préoccupé que si on ne les vit pas. Donc, effectivement, les changements climatiques ne se manifestent pas partout de la même façon et donc les préoccupations ne sont pas les mêmes. Ce que les gens disent avoir subi comme conséquence des conséquences des changements climatiques, c'est en premier lieu les fortes chaleurs, la canicule, et dans tous les pays sondés, sauf la Norvège. Donc pour les Norvégiens, la première manifestation des changements climatiques, pour eux, c'est le dérèglement climatique, c'est comme ça qu'ils ressentent, le dérèglement des saisons, c'est comme ça qu'ils et l'assèchement des cours d'eau et des lacs. C'est comme ça qu'ils ressentent, eux. Voilà, exactement. Au Chili, c'est aussi l'assèchement des cours d'eau et la sécheresse. En Belgique, l'Espagne, la France, la sécheresse vient aussi en deuxième position. Puis effectivement, la France a manqué d'eau cet été. Donc le sondage a été fait en septembre, c'est sûr que ça ressortait. Au Nigeria, c'est les inondations. C'est par les inondations qu'ils perçoivent les changements climatiques. En Asie aussi. Ouais, c'est drôle que d'un côté, ça soit les sécheresses et de l'autre côté, c'est les inondations. Mais on sait que les changements climatiques ont des impacts très différents d'un endroit à l'autre. Il faut que l'eau aille quelque part, finalement. Oui, c'est ça. Au Canada, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la canicule, les fortes chaleurs. On n'est peut-être pas habitué à avoir, ces montées de chaleur. Et dans une moindre mesure, c'est le dérèglement des saisons et des temps et les tempêtes. Alors, on est en train d'en vivre un, des règlements de saison, on dirait, cet hiver. Oui, tout à fait. Oui, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui croit au changement climatique. Est-ce que le sondage aborde cette question-là? Est-ce que c'est pris en compte dans le sondage? Oui, effectivement, il y a des questions pour savoir comment les gens se situent par rapport à l'origine humaine sur les changements climatiques. Alors, en moyenne, il y a 63% des personnes qui accordent une origine humaine au changement climatique. C'est au Chili, au Mexique. Au Chili, au Mexique, c'est 80% qui on croit au changement climatique. Puis les 20% restants, finalement, ce sont les climato-sceptiques. Mm-hmm. Et là, à l'opposé, on a la Russie et les États-Unis, où il y a 50-50 de climato-sceptiques et de personnes qui croient au changement climatique. Les champions du climato-scepticisme, c'est l'Arabie Saoudite. ils sont aussi les champions dans ceux qui trouvent que l'environnement va bien dans leur pays. Oui, puis c'est eux aussi, eux qui font beaucoup aussi de pétrole. Oui, exactement. Peut-être que c'est lié. Hein. Et au Canada, on est dans la moyenne. Il y a 35% de climato-sceptiques. Oh, c'est la moyenne. Donc, 35%. Est-ce que ça veut dire que 35% de la population du Canada ne reconnaît pas que c'est l'activité humaine qui cause les changements climatiques? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus des origines humaines, donc de l'activité humaine, de l'effet de l'activité humaine sur sur le climat. En fait, même pour ceux et celles qui se disent convaincus du rôle des activités humaines sur les changements climatiques, c'est pas certain qu'ils fassent toujours le lien entre les activités humaines et les changements climatiques. Parce que il y a bien la majorité des gens qui estiment que l'industrie, les transports, les centrales au charbon, la déforestation, ça produit des GES. Mais il y a seulement la moitié des gens qui pensent que l'agriculture, ça émet des GES. Pourtant, dans l'agriculture, il y a l'élevage, et on entend quand même assez souvent que l'élevage bovin, c'est émetteur, une activité qui émet des GES. Oui, tout à fait. Mais il y a la moitié des gens qui ne le considèrent pas. Il y a aussi seulement à peu près un tiers des gens qui pensent que le numérique émet des GES, alors qu'en fait, on commence quand même à entendre qu'au niveau mondial, le numérique émet autant de GES que l'aviation. Et en fait, ce n'est pas tant l'usage de l'appareil, c'est sa fabrication. Okay. Donc, c'est pas en envoyant des courriels ou en utilisant nos ordi et donc qu'on émet des GES, mais c'est à force d'acheter, c'est la fabrication, c'est en achetant. Ouais. Donc, malheureusement, même l'hydroélectricité du Québec ne nous protège pas. Ne protège pas de tout ça, oui. Ouais. J'entendais qu'un cellulaire dure en général 18 mois environ. C'est ça, exactement, Et un autre élément intéressant, c'est la contribution des centrales nucléaires au changement climatique. Il y a 45% des Canadiens qui pensent que les centrales nucléaires émettent des GES, alors que l'énergie nucléaire émet très peu de GES, comme les éoliennes et l'hydroélectricité. Et il y a des pays en Amérique latine et en Afrique où les trois quarts des personnes interrogées pensent que le nucléaire émet des GES. Donc, ces quelques questions, finalement, ça montre que même si on parle des changements climatiques et des GES depuis 20-30 ans, ou plus, il y a quand même une méconnaissance du problème et du lien entre nos activités et les émissions de GES. Oui, effectivement, encore beaucoup de confusion. Ouais. Mais malgré cette méconnaissance du problème, est-ce que les Canadiens sont prêts à agir, à lutter contre les changements climatiques? Alors, au niveau du pays, il y a 21%, ça fait beaucoup de pourcentages, il y a 21, le sondage, c'est plein de pourcentages, oui, il y en a 100 ça. Pages. donc, il y a 21% des gens qui pensent que le Canada fait partie des gens qui font le plus d'efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Okay, bon. Donc, c'est pas tant que ça. Et il y a près de 80% des Canadiens qui pensent que des pays en font plus que le Canada. Okay. Ouais. Et si on regarde ailleurs dans le monde, les champions, ceux qui ont la meilleure estime de leur pays en matière de lutte contre les changements climatiques, ce sont les Chinois. OK. Ça fait partie de ceux aussi qui pensaient que L'environnement, c'est le moins préoccupant. Exactement, ou c'est, non, ce qui va le mieux. Oui, c'est ça. L'environnement est en bonne santé chez eux. Okay, okay. Ils font ce qu'il faut pour que ça aille bien, il faut croire. Ils sont 65 à penser que la Chine est un leader dans la lutte contre les changements climatiques. Et puis, à l'opposé, on a la Pologne, le Japon, l'Italie qui sont en dessous des 10% à penser que leur pays... Donc, il y a moins de 10% des Polonais, des Japonais, des Italiens qui pensent que leur pays est un leader dans la lutte contre les changements climatiques. C'est intéressant. Oui, c'est perception. Leur propre perception. Okay. Donc, et pour approfondir la question, bon, on peut se demander si un pays est leader, c'est parce que le gouvernement agit, parce que les citoyens agissent, parce que les entreprises agissent. Et alors, en Chine, c'est par l'action du gouvernement, les responsables politiques et les autorités locales que les Chinois pensent que leur action, leur pays est un leader. C'est parce que les gouvernements prennent les choses en main. OK, OK. Ouais, et les entreprises sortent en dernier. Mm-hmm. Et au Japon, c'est l'inverse. Les Japonais trouvent que le gouvernement n'agit pas assez et que c'est les entreprises qui en font le plus. C'est vraiment curieux les différences entre les pays. Et en Amérique latine, ce sont les ONG qui apparaissent comme étant le plus actives en matière de lutte contre les changements climatiques. Et au Québec, ça ressemble à quoi? Alors, il n'y avait pas au Québec particulièrement, au Québec, mais au Canada. Il y a 56% des gens pensent que les citoyens agissent, 52% pour le gouvernement, 40% pour les entreprises. Et puis, concernant les actions des citoyens, il y a 48% des gens qui pensent qu'il faut changer de mode de vie. Donc, on est prêt à changer de mode de vie. Alors, il y en a 70% qui estiment savoir quoi faire pour lutter individuellement, pour participer individuellement à la lutte contre les changements climatiques. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut comprendre les liens entre nos activités et les changements climatiques. Et manifestement, d'après les réponses sur l'agriculture et les usages numériques, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas convaincues que l'agriculture et les usages numériques participent aux émissions de GES. Donc, si on ne comprend pas le lien entre nos activités et les changements climatiques, comment on peut savoir quoi faire pour lutter contre les changements climatiques, finalement? Oui, effectivement. Et concrètement, qu'est-ce que les gens font pour l'environnement et pour les changements climatiques? Est-ce que le sondage en parlait? Oui. Donc, différents gestes qu'ils posent. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'ils trient les déchets, qu'ils privilégient les fruits et les légumes de saison. Il y en a la moitié qui limite la consommation de viande. Donc, je veux bien croire ces faits-là. Mmh. Il y en a 71% qui choisissent des produits avec moins d'emballage. Il y en a un peu plus de la moitié qui disent éviter de prendre la voiture. Là, j'avoue que j'ai un petit doute quand même. Ouais. Il y en a 10% qui se déplacent systématiquement en vélo. Là, disons que j'ai un doute. Oui, c'est vrai. Hein, c'est quand même. 10%, oui. Ouais. Et là où j'ai un doute aussi, c'est sur les politiques gouvernementales que les gens accepteraient. Donc là, c'est qu'il y a la moitié qui accepterait que les sources d'énergie qui produisent des GES coûtent plus cher. Autrement dit, il y en a la moitié qui acceptent que l'essence coûte plus cher. Oui, bien, ça me surprend. Si je me souviens bien, au tout début, c'était les taxes étaient avant les. Exactement, bonne remarque. C'est pour ça que je dis qu'il faut se souvenir de celle-là parce que ce n'est pas cohérent avec d'autres réponses. C'est pareil, il y a la moitié qui accepterait l'instauration d'une taxe sur les véhicules polluants. Oui, donc ça me surprend quand même beaucoup, ça. Oui, tout à fait. 44% qui accepterait une taxe supplémentaire sur les ordures ménagères. Donc ça fait quand même trois taxes. Là, les gens sont prêts à accepter plus que l'essence coûte plus cher, et puis ils sont prêts à accepter plus de taxes sur les véhicules polluants, sur les ordures ménagères. Et puis, pour finir, en fait, il y a une question qui était vraiment intéressante, qui opposait environnement et économie. On sait, des fois, on se demande, est-ce que c'est l'environnement? Ouais, mais à ce moment-là, ça va tuer l'économie, etc. Il y en a 44% des gens qui penchent pour l'environnement, même si c'est aux dépens de l'économie et des emplois. Oh. Et 38% qui penchent pour l'économie, même si c'est néfaste pour l'environnement. Donc, autrement dit, il y a plus de personnes qui mettent l'environnement avant l'économie. Alors là, c'est étrange, c'est intéressant. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est un signe que les gens comprennent l'importance de protéger l'environnement? Bon. Et ça, c'était au niveau mondial? Alors ça, c'était, pour, ça c'était la réponse canadienne, ça. OK. Ah, ouais. Donc, c'est, ouais, ça, c'est vraiment surprenant. Ouais. Hein. Mais je trouve ça, on va dire que c'est peut-être un signe d'espoir pour protéger l'environnement. Oui, c'est ça. J'aime ton positivisme, Valérie. Même s'il y a certaines réponses aux questions, on n'est pas très sûr de la sincérité des réponses. Mais... Oui, tout à fait. effectivement, là, on se croise les doigts qu'il y a du mouvement qui se fait. C'est un sondage qui est vraiment complet, hein, et c'était très instructif, là. En tout cas, ça devait être très intéressant à lire. Oui, puis là, j'ai évidemment pas tout détaillé parce que c'est dans 30 pays, donc il y avait toutes ces réponses-là. Des fois, c'était détaillé dans 30 pays. Oui, quand même. Ben, merci Valérie d'avoir épluché pour nous et de nous avoir fait le résumé.